Dolbeau Auto a décidé de souligner le mois de l'arbre et de la forêt en vous proposant le Silverado 1500 édition 4x4 à seulement 175 $ aux deux semaines, à 1,5% de location pendant 48 mois, ou obtenez 11 000 $ sur certains camions. Dolbeau Auto, 1770 Boulevard Wahlberg, au téléphone 418-276-0580. Le printemps est enfin arrivé et pour vous préparer pour la belle saison, le magasin Canadian Tire est fin prêt. Que ce soit pour les articles de piscine, tondeuse ou le centre du jardin qui ouvrira très bientôt, le magasin Canadian Tire a tout ce qu'il vous faut. Canadian Tire, 1751 Boulevard Vézina à Dolbeau-Mistassini. CanadianTire.ca. Le magasin Canadian Tire tient à souligner le mois de l'arbre et de la forêt. La forêt, un des moteurs économiques de notre secteur. Une dernière, Yannick Jean a signé une nouvelle entente avec les Saguenay de Chicoutimi, une entente de 3 ans. À l'émission Dans le vestiaire sur les ondes de CKJ avec Michel Tifot et Dominique Bolduc, il a été interviewé sur son nouveau contrat et l'avenir des Saguenay de Chicoutimi. Hier, dans l'émission, on a annoncé que Yannick Jean s'était entendu avec les Saguenayens pour une nouvelle entente de 3 ans. On l'a avec nous au téléphone. Yannick Jean, bonjour. Bonjour. Félicitations. Est-ce que c'est à ta demande que les négociations ont été faites ou bien c'est la direction qui t'a proposé une rencontre pour un nouveau contrat, une nouvelle entente? Oui, c'est monnaie courante dans le hockey. Ils m'ont laissé savoir qu'ils ne voulaient pas que je coach sur ma dernière année de contrat comme la plupart des situations. À partir de là, ça a été quand même là, assez facile. Je travaille avec des gens de qualité. Pour moi là, c'était vraiment là, comme on dit, un no-brainer là, de vouloir signer une entente. Un contrat pour un coach, c'est rassurant, c'est encourageant. L'entente de 3 ans, c'est toi qui l'as. Est-ce qu'il y a été question de 2 ans? À un moment donné, oh, ben, si vous êtes vraiment entendu pour 3 ans? Non, tu sais, c'est pas une question de 2 ans, 1 an ou 8 ans. C'est juste une question de. C'est la logique. Quand tu fais les deux fonctions, là, tu vois pas sur des ententes là, de plus court que ça. Puis non, c'est pas ça n'a pas été nécessairement là de grosses négociations des deux côtés. Il y a des paramètres établis dans la ligue, puis c'est vraiment facile. Bon, le coach est réglé, le directeur général aussi est réglé. Dans les journaux cette semaine, on mentionnait que Reynald Nepton, lui aussi, signe une nouvelle entente. Lui, il est ton adjoint. Peux-tu nous parler un peu de son rôle? Ben, il semble avoir un rôle effacé. Reynald Nepton, on en parle moins souvent. Quel est son rôle dans ton organisation? Ben, c'est probablement la personne qui a le plus de tâches. S'occupe des relations avec l'école, les relations avec les pensions, avec les dépisteurs au jour le jour, avec les dépisteurs au jour le jour également. Nepi va avoir beaucoup de matchs médias durant l'année, même des matchs juniors. C'est quelqu'un qui est très impliqué dans tous les départements. Qui est vraiment, vraiment essentiel. Il est capable, tu sais, quand tu as autant d'expérience que ça, tu es capable de faire beaucoup, beaucoup pour une équipe de hockey, puis c'est ce que Nepi fait. Qu'en est-il maintenant de Claude Bouchard? Il en est à sa dernière année sabbatique à l'école. Est-ce qu'il devra prendre une décision, l'école ou le hockey, ou ici, peut-être qu'il pourra faire les deux? Bien, on a réglé là, la situation en fin de saison des pisteurs-chefs de Nepi, de moi. Puis là, d'ici, il y a des choses qui sont déjà faites par rapport aux entraîneurs adjoints, sauf que c'est pas tout finalisé. On va faire les annonces là en temps et lieu pour tout le département là, hockey, par rapport là, aux entraîneurs adjoints. Donc, il y en a qui sont déjà réglés, mais je veux pas aller là au devant des coups avant de faire des annonces. OK. Simon Gaudreau, lui, c'est terminé. Il est parti pour Robertval, c'est ça? Oui, exactement. Il y a une promotion dans un calibre là, s'occuper d'une structure scolaire. Puis Simon, là, il est à fond là-dedans là, en ce moment. C'est difficile de passer à côté du repêchage qui s'en vient, surtout que les SAGs auront le premier choix. Quand ça a été déterminé à la télévision, j'ai écouté le tirage au sort. À la télé, tu semblais... J'ai vu un Yannick Jean content. T'avais tellement l'air content quand t'as été choisi parce qu'il y avait du hasard dans ça. Mais c'est une bonne chose pour les Sags. Premier choix de repêchage au total. Oui, définitivement. Tu sais, il y a l'affaire qui est sûre, c'est qu'on prend le joueur qu'on veut. C'est ça. C'est ça. C'est l'avantage. peu importe que oui, c'est vrai, il n'y a pas d'Alexis Lafrenière, il n'y a pas de joueur dans le repêchage comme l'an dernier. Par contre, ben, c'est à nous de décider le joueur qu'on veut, puis à partir de là, ben, on va travailler avec pour le développement, pour qu'il devienne une pièce maîtresse là, dans ton alignement dans un futur pas si lointain. Écoute, notre collègue du Lac-Saint-Jean, Danny Veilleux, a parlé avec Henrix Lapierre de l'Intrépide de Gatineau. Voudrais-tu entendre un petit peu les commentaires d'Henrix Lapierre? Parce qu'il pourrait être le choix des Sags. Est-ce que tu voudrais entendre ses commentaires? Bon, on va le faire entendre aux gens en même temps. Bon, tu peux le faire entendre, mais je l'ai entendu déjà. OK, tu l'as déjà entendu. Juste une dernière question. Hier, tu as rencontré des joueurs midget. Est-ce que tu vas en rencontrer plusieurs là, dans les prochains jours pour te faire une idée sur le prochain... Oui? Oui, on a rencontré trois équipes hier. On fait le tour là. La semaine prochaine, il y a Magog, il y a Québec. Dans l'autre semaine, là, la côte, la partie est de Montréal, là, Laval, le Collège Esther-Blondin, ces équipes là, dans ce coin-là, Saint-Eustache. Donc, tu sais, on fait ça, là, on échelonne ça là, sur trois semaines, mais on va passer à travers la Ligue de hockey midget 3. Est-ce que tu t'attends à avoir des offres pour ton premier choix? Ah, sûrement. Non, normalement, là, année après année, il y a toujours qui s'essaye. C'est des choses qui sont normales. Ça fait partie du travail là, des différents directeurs généraux. OK. Pour l'instant, on le garde? Bon, pour l'instant, c'est exactement ça. On le garde. Comme j'ai dit, on veut repêcher un bon joueur. Tu sais, on a eu un peu le hasard. On n'a pas eu besoin de finir dernier pour repêcher premier. Je pense que ça, c'est positif. Donc, dans cette situation-là, bon, ben, utilisons-le. Yannick Jean, merci beaucoup. On va sûrement se reparler au lendemain du repêchage, le 2 juin à Shawinigan. Bonne chance. Merci à vous.